écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Je suis à Banga Onana. Tu ne prendras point le nom de Dieu en vain. Tel est le thème de notre message d'aujourd'hui. Il s'agit du troisième commandement de Dieu se trouvant parmi les quatre premiers sur la première table de pierre. Exode 20, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Chers amis, il y a la puissance, l'autorité, la grandeur, la magnificence, la force, l'éternité et la gloire dans le nom de Dieu. Depuis le premier verset biblique dans Genèse 1, le nom de Dieu, Elohim, apparaît dans toute sa puissance créatrice à partir du néant. Il est un pluriel quant à sa forme. L'emploi du pluriel Elohim suggère et parle de la Trinité. Ceci est plus explicite dans Genèse 1 au verset 26 où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image » et dans Genèse 3 au verset 22 où l'Éternel dit « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » C'est pour cela que tous ceux qui invoquent le nom de Dieu, mais qui ne croient pas et qui rejettent le concept de la Trinité, c'est-à-dire un seul Dieu en trois personnes égales, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ceux-là prennent le nom de Dieu en vain. Prendre le nom de Dieu en vain comprend aussi le fait de s'en servir pour faire un faux serment. Lévitique 19 au verset 12 nous dit ceci. « Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Point. Et dans Matthieu 5, à partir du verset 33, le Seigneur Jésus-Christ nous dit « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tout ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » Prendre le nom de Dieu en vain comprenait aussi le fait de le prononcer de façon hypocrite ou à la légère. La plupart du temps, il s'agissait alors d'un blasphème. Dans Lévitique 24, à partir du verset 10, nous lisons ceci. « Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien, étant venu au milieu des enfants d'Israël, se querella dans le camp avec un homme israélite. le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shelomit, fille de Dibri, de la tribu de Dan. On le mit en prison jusqu'à ce que Moïse eût déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, « Quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. » Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Le nom de Dieu doit être sanctifié, honoré et respecté. Il ne doit être destiné qu'à un usage saint. Quand le Seigneur nous disait comment nous devons prier, dans Matthieu 6 au verset 9, il disait ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre priorité dans la prière et dans la vie devrait être la sanctification du nom de Dieu. Il est absolument essentiel que Dieu soit respecté, glorifié, exalté et sanctifié dans nos vies. C'est pour cela que le roi David adore Dieu par les paroles suivantes dans le psaume 8 au verset 10. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et dans le psaume 34, il dit « Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. » Dans notre vie quotidienne et dans notre vie spirituelle, nous devons intensément nous préoccuper de la réputation de Dieu, de celle de son Église, de son Évangile et de son Royaume. Ne nous rendons jamais coupables d'un acte qui discrédite le nom et la personne du Seigneur. Cela constitue un péché abominable. Tout au long de ces pages, la Bible, la parole de Dieu, nous exhorte à respecter le nom de Dieu. Lévitique 22, à partir du verset 1, dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils, afin qu'ils s'abstiennent des choses saintes qui me sont consacrées par les enfants d'Israël, et qu'ils ne profanent point mon saint nom. Je suis l'Éternel. » Et Deutéronome 28, que nous connaissons bien, enchaîne dans son verset 58. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrite dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Nous pensons aussi à, sans oublier les diabètes compliqués, les cancers et plusieurs autres maladies qui frappent le monde de nos jours. Et pourtant, l'Éternel est le Dieu qui nous guérit et qui éloigne la maladie du milieu de nous, quand nous ne prenons pas son nom en vain. Dans Genèse 2, au verset 5, l'Éternel est Yahvé, celui qui existe par lui-même. Dans Genèse 15, 2, il est Adon ou Adonai, le Seigneur. Dans Genèse 17, au verset 1, il est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Quand Abraham était vieux sans enfant et sa femme stérile, Dieu lui fit une promesse. Abraham, tu auras un fils. Cela ne dépend pas de toi, mais de moi, Dieu. Pour cela, je te donne mon nom pour cette circonstance. Je suis El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Dans Exode 20, au verset 3, Dieu nous rappelle sa toute-puissance. Le chrétien est celui qui accepte toutes les promesses de Dieu pour lui, sans douter. Si nous acceptons seulement une partie de ses promesses pour nous, nous prenons alors son nom en vain. Dans Daniel 2, au verset 20, nous lisons ceci. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Tous ceux qui ont été promus ou qui le seront demain et qui ne donnent pas gloire au Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, au Seigneur Jésus-Christ lui seul, tout cela prenne le nom de Dieu en vain. Et nous ne les envions pas. » La plupart de ces gens-là vont surtout rendre grâce au Dieu de leurs ancêtres, au Dieu des cercles ésotériques, pour les avoir promus. Quelle déchéance! Dans Genèse 14, au verset 18, Dieu est El Elohim, le Dieu très haut. Dans Genèse 21 au verset 33, il est El Olam, le Dieu d'éternité. Chacun de ces noms correspond à une révélation nouvelle de Dieu accordée à son peuple au moment où se manifeste un besoin particulier. Il n'est aucune nécessité humaine à laquelle ces noms ne sauraient répondre. Parce que dans la Bible, les différents noms de Dieu décrivent ses différents attributs et sa puissance et son caractère. Dans Genèse 22, du verset 13 au verset 14, il est Jéhovah Jiré, l'Éternel qui pourvoit. Il pourvoit au sacrifice qui nous sauve. Il pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Tous ceux qui recherchent d'autres sacrifices pour leur salut en dehors de celui de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, prennent le nom de Dieu en vain. Nous prenons le nom de Dieu, Jéhovah Jiré, en vain si nous donnons le pain des enfants de Dieu aux chiens. Parce que Dieu a tant aimé le monde et il a donné Jésus afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Point de vie éternelle pour ceux qui rejettent le don de Dieu, le don de Jéhovah Jiré, le sacrifice de Jéhovah Jiré pour leur salut. Dans Exode 15 au verset 26, il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Tous ceux qui vont chercher leur guérison chez les devins et chez les astrologues prennent le nom de Dieu en vain. Nous prenons le nom de Jéhovah Rapha en vain quand nous prions pour qu'il guérisse quelqu'un qui refuse de recevoir Christ et de se repentir. Dans Juges 6 au verset 24, il est Jéhovah Shalom, l'Éternel notre paix. Et Éphésiens 2 à partir du verset 13 nous dit: mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit, parce qu'il est l'Éternel notre paix. Si nous sommes des chrétiens et que nous recherchons ou que nous voulons sceller la paix par les arbres de la paix, par les accords ésotériques ou diplomatiques en dehors de Jésus, nous nous trompons lourdement. Parce que nous prenons le nom de Dieu en vain, même si nous obtenons de temps en temps des soupçons de paix artificielle, mais qui nous conduisent toujours dans des crises et des conflits plus sanglants. Il est Jéhovah Shikenu, notre justice. Nous prenons le nom de Dieu en vain quand nous disons que nous croyons en Dieu et que nous le servons, alors que nous rejetons Jésus-Christ, la justice de Dieu. Tous les législateurs qui se disent chrétiens prennent le nom de Dieu en vain quand ils votent des lois anti-bibliques pour plaire au monde et à son prince. Tous les magistrats qui rendent des verdicts contraires à la justice de Dieu prennent le nom de Dieu en vain. 1 Corinthiens 1 au verset 30 nous dit ceci: or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Tous ceux qui ont ou qui recherchent d'autres sagesses en dehors de Jésus-Christ prennent le nom de Dieu en vain, parce que toute autre sagesse vient d'en bas. Jacques 3 à partir du verset 13 nous dit ceci: lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Jésus est pur. Elle est ensuite pacifique. Jésus est pacifique. Elle est modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, comme Jésus, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui répond à tous ces critères. L'Éternel est Jéhovah Shammah, toujours à nos côtés. Nous prenons le nom de Dieu en vain quand nous croyons que Dieu est avec nous, alors que nous ne le craignons pas. Ou encore quand nous invoquons son nom, mais en doutant qu'il est vraiment avec nous comme il le dit. Lisons ce que Jésus dit à tous les siens dans Matthieu 28 à partir du verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si nous sommes des chrétiens, nous prenons le nom de Dieu en vain. Si nous refusons sa parole dans Marc chapitre 16, à partir du verset 17, qui dit que voici les signes et les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Ils se saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur sera fait aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris et ils parleront de nouvelles langues. Si nous refusons de pratiquer ces choses-là, si nous refusons que ces signes-là se manifestent en nous, alors que nous disons que nous avons cru, nous prenons le nom de Dieu en vain. Chaque nom a une puissance, un attribut ou un caractère, soit positif, soit négatif. C'est pour cela que Dieu changeait les noms de certains de ses serviteurs. Par exemple, il a changé le nom de Jacob, le trompeur, en Israël, le vainqueur. Quel est l'un des noms les plus flatteurs dans la Bible? Il s'agit du nom Lucifer, qui signifie l'étoile du matin. Dieu lui donna ce nom parce qu'il l'avait créé parfait. Mais une puissance négative sortit plus tard de ce nom. C'est pour cela qu'aucun de nous ne porte ce nom. C'est pour cela qu'aucun de nous n'envisage de donner ce nom Lucifer à un seul de ses enfants. Parce qu'il y a un sérieux avertissement pour toute l'humanité que ce nom Lucifer peut changer et devenir Satan. Par le troisième commandement, Dieu place une impressionnante puissance entre nos mains, aussitôt que nous devenons des croyants par Jésus-Christ. Mais il y a aussi un avertissement. Soyons prudents de ce que nous faisons avec cette puissance. Le fait que Dieu nous donne son nom nous responsabilise. Nous ne devons jamais l'utiliser dans des voies qui ne le glorifient pas. Chers amis, toute la plénitude de la divinité et ses attributs se trouve en Jésus-Christ. Les prophètes l'avaient annoncé plusieurs siècles avant sa venue dans le monde en chair et en os. Ésaïe 9, à partir du verset 5, dit ceci. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera. » Voici les différents noms de Dieu que nous ne devons pas prendre en vain. On l'appellera admirable, conseiller. Que tous les conseillers fassent attention de donner aux gens des conseils qui sont contraires à la parole de Dieu, la Bible. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Chers amis qui m'écoutez, si le Jésus que vous servez n'est pas le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, s'il n'est pas le Père éternel et le Prince de la paix, alors, croyez-moi, vous êtes en danger de mort, parce que vous prenez le nom de Dieu en vain. Thomas, qui doutait comme vous, l'avait expérimenté quand il le vit dans son corps glorieux après sa résurrection. Il l'adora en confessant de sa bouche, « Mon Seigneur, et mon Dieu. » Dans Luc 1, à partir du verset 30, nous lisons ceci. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Si le Jésus auquel vous croyez n'est pas le Fils de Dieu, le Fils de David et le roi éternel d'Israël, alors, croyez-moi, chaque fois que vous invoquez son nom, vous prenez le nom de Dieu en vain. Dans Philippiens 2, à partir du verset 9, nous lisons, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Chers amis, si vous invoquez le nom de Jésus, en croyant qu'il y a un seul autre nom dans tout l'univers qui soit plus grand que lui, et surtout si en même temps vous ne confessez pas qu'il est Seigneur. Je ne vous envie pas parce que vous prenez le nom de Dieu en vain. Depuis l'Ancien Testament, Dieu se fait appeler le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. C'est ce que Matthieu 22 au verset 32 nous confirme. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël et le Dieu de Jacob. Chers amis, si le Dieu que vous invoquez dans vos prières et dans vos rites n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le Seigneur Jésus-Christ, alors vous prenez le nom de Dieu en vain pendant que vous servez des dieux étrangers, des démons. Dans Apocalypse 19, à partir du verset 11, nous lisons ceci. Puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Chers amis qui m'écoutez, chers baptisés et confirmés, le Jésus que vous invoquez s'appelle-t-il fidèle et véritable? S'appelle-t-il la parole de Dieu? Est-il le roi des rois et le seigneur de tous les seigneurs? Sinon, vous prenez le nom de Dieu en vain. Et cela vous coûte et vous coûtera très cher si vous ne vous repentez pas. Il dit lui-même à tous les religieux dans Jean 8 au verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, quelles que soient vos activités religieuses, quels que soient vos grades dans la religion, quelle que soit la nature des sacrements religieux que vous avez déjà reçus. Le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Le prophète Jérémie était là quand Jérusalem tombait entre les mains des Babyloniens. Dans Jérémie 7, au verset 9, nous lisons ceci. Quoi? Voler, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas? Dans ce seul verset de Jérémie 7, verset 9, 5 au moins des 10 commandements de Dieu sont violés par ceux qui sont supposés servir et adorer le seul vrai Dieu. Verset 10. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Chers amis, le mot profané, qui signifie souiller, agir en impie, vient de deux mots latins. Pro, qui signifie avant, et fan, qui signifie temple. Profané signifie donc se tenir devant le temple, dans la présence de Dieu, et mener une vie qui souille et déshonore son nom. Si nous maudissons un être humain, que nous le fassions ou pas au nom de Jésus, nous sommes de ce fait des impies qui profanent et prennent le nom de l'Éternel en vain. Est-ce possible de prendre le nom de Jésus, le nom de Dieu, et ne pas prendre en même temps la vie que Dieu donne avec ce nom? Quand nous réalisons cet exploit, nous profanons le nom de Dieu. Ce temple, au temps de Jésus, avait déjà existé au moins pendant 1000 ans. Dans Matthieu 21, au verset 12, Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Et nous pouvons ajouter, et de méchants, toutes catégories confondues. Tout ce beau monde qui était à jour en ce qui concerne l'obtention de leur soi-disant sacrement religieux avait fait de la maison de Dieu une caverne de voleurs, un lieu de rendez-vous d'affaires et de rendez-vous entre concubins. Ils prenaient le nom de Dieu en vain. Il y a une corrélation entre les commandements de Dieu du mont Sinaï que les siens devaient garder et observer et le sermon sur la montagne. Ils parlent tous de l'éthique du royaume de Dieu, de comment doivent vivre les citoyens du royaume de Dieu. Nous ne prenons pas le nom de Dieu en vain seulement par des paroles négatives, mais aussi par tout comportement anti-biblique de notre part. C'est pour cela que le Seigneur nous rappelle dans Matthieu 5, à partir du verset 3, toute attitude que les enfants du royaume doivent avoir, même quand ils sont jetés dans les fournaises ardentes et dans les fosses aux lions. Matthieu 5, à partir du verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Tous ceux qui invoquent le nom de Jésus sans être miséricordieux prennent le nom de Dieu en vain. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tous ceux qui invoquent le nom de Jésus avec des cœurs impurs ne verront pas Dieu, parce qu'ils prennent le nom de Dieu en vain. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Chers amis, si nous ne nous réjouissons pas, si nous ne sommes pas dans l'allégresse quand nous sommes outragés et persécutés faussement à cause de Jésus, alors nous prenons le nom de Dieu en vain. Et aussi après, le Seigneur dit à tous ces heureux, au verset 13, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est quand nous observons et vivons Matthieu 5 du verset 3 au verset 12 que le Seigneur nous reconnaît comme le sel de la terre. Et nous ne devons donc pas perdre notre saveur. Chers amis, nous désirons tous avoir de l'or et des diamants. Et pourtant nous pouvons vivre heureux sans ces choses. Nous pouvons nous en passer. Moi qui vous parle, je suis un homme heureux en Jésus-Christ. Je n'ai jamais eu des stocks d'or et des diamants. Mais qui de nous peut se passer du sel toute sa vie et être heureux? Nous ne pouvons pas vivre sans le sel. D'après certaines sources, le mot latin traduit par salaire en français aurait ses origines du mot sel. Le sel rend les aliments savoureux et agréables. Il est le symbole des enfants de Dieu dont la vie et le témoignage doivent être pleins de saveur et d'attrait. Ils doivent avoir du sel en eux-mêmes, d'après Marc 9, verset 51, et leurs paroles doivent être assaisonnées de sel, selon Colossiens 4, verset 6. C'est pour cela que Dieu frappe sévèrement tous ceux qui murmurent contre sa justice et sa sainteté. Souvenons-nous du châtiment par les serpents brûlants. Parce que comme le sel crée la soif de boire de l'eau et freine la décomposition, ce genre de chrétiens crée la soif de Dieu tout autour d'eux. Et en même temps, ils freinent la décomposition des mondains et du monde parce qu'ils ne prennent pas le nom de Dieu en vain. Et c'est ce que Philippiens 2, à partir du verset 14, nous dit. Tel Jésus est, tel nous devons être, parce que Jésus n'a jamais pris le nom de Dieu en vain. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. C'est le Saint-Esprit qui nous le dit à travers notre frère Paul. En effet, rien n'est plus plat, insipide et écœurant que des chrétiens sans influence, des vies sans relief, des paroles vides de sens. Ils sont gênants et on s'en débarrasse le plus vite possible parce qu'ils ne donnent pas la soif de Dieu aux autres, parce qu'ils prennent le nom de Dieu en vain. Dans Ézéchiel 16, verset 4, quand un bébé naissait, il était couvert de sel. Plusieurs peuples continuent à le faire dans certaines régions du monde aujourd'hui. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Tous les chrétiens qui ne sont pas le sel de la terre, ou qu'ils étaient et ont ensuite perdu leur saveur, prennent le nom de Dieu en vain. Tous les chrétiens qui ne sont pas la lumière du monde, ou qu'ils étaient et ont ensuite perdu leur éclat, prennent le nom de Jésus en vain. Quand allons-nous cesser de gaspiller les ressources, les dons, que Dieu nous a donné d'exercer en son nom pour que sa puissance, sa seigneurie et sa gloire remplissent tout l'univers. Jésus nous dit dans Jean 14 à partir du verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Le nom de l'Éternel est une tour forte où le juste trouve le refuge. Aujourd'hui, ce sont les noms des marabouts, des dieux, des ancêtres qui deviennent des tours fortes des chrétiens qui prennent le nom de Dieu en vain. Quelle pitié, quel suicide collectif. Si je prends le nom de Dieu et je rejette tout cet attribut, je deviens très dangereux parce que je prends son nom en vain. Tous les chrétiens qui récitent le Notre Père sans jamais le croire, sans jamais le pratiquer, sans jamais se repentir, sans jamais pardonner à ceux qui les offensent, prennent le nom de Dieu en vain. Oh, Je suis à Banga Onana. Tu ne prendras point le nom de Dieu en vain. Tel est le thème de notre message d'aujourd'hui. Ne soyons pas comme Judas. Le nom Judas signifie louange. Ne soyons pas comme Judas qui était crié pour louer Dieu. Mais il prit le nom de Dieu en vain. Au lieu de le louer, il le trahit et le vendit à ses ennemis religieux et politiciens. Tu manges avec Jésus, tu prends la communion et tu vas ensuite le vendre dans les hôtels de passe, dans les cultes aux morts, dans le vandalisme politique. Et tous ceux qui prennent le nom de Dieu en vain n'ont pas la vie de Dieu. Ils ne sont pas heureux. C'est une malédiction de prendre la communion, de manger avec Jésus tout en prenant son nom en vain. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, nous dit ceci. C'est Paul qui parle. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après d'avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. La solution ne viendra donc pas de nos grandes écoles, de nos temples du savoir humain, ni des politiciens, mais de Jésus. Dans Luc 15, le Seigneur Jésus-Christ nous parle de deux fils qui ont tous pris le nom de leur père en vain. Nous connaissons beaucoup plus l'histoire du petit frère, le fils prodigue, qui avait demandé sa part d'héritage à son père. De manière irrévérencieuse, il est parti tout dilapidé. Mais le fils aîné aussi avait pris le nom de son père en vain. Il était avec son père physiquement et non spirituellement. Il était avec son père, mais il ne le connaissait pas. Nous lisons à partir du verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a trouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Chers amis, tous ceux qui se disputent les postes et les premières places dans l'église prennent le nom de Dieu en vain. Tous ceux qui sont jaloux de la promotion des autres dans l'église, surtout de la promotion des nouveaux venus, prennent le nom de Dieu en vain. Tous ceux qui mettent leurs intérêts personnels au-dessus de la miséricorde de Dieu envers les rétrogrades, prennent le nom de Dieu en vain. Tous ceux qui sont dans l'église et qui se réjouissent quand leurs frères et sœurs rétrogradent et tardent à se repentir, prennent le nom de Dieu en vain. Tous ceux qui dans l'église ne recherchent que leur propre gloire et non celle du Père, prennent le nom de Dieu en vain. Que c'est triste d'être enfant du royaume et de se comporter comme un esclave, un vulgaire serviteur. Tous ceux qui ont une apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force, prennent le nom de Dieu en vain. Tous ceux qui se font baptiser sans avoir cru, de même que ceux qui les baptisent, prennent le nom de Dieu en vain. Tous les chrétiens qui trouvent que ceux qui investissent abondamment pour Jésus, que ceux qui sortent des grandes écoles avec des diplômes d'ingénieur et de docteur pour ensuite aller servir Dieu comme ministre à plein temps font du gaspillage, tout cela prennent le nom de Dieu en vain, comme les disciples dans le passage suivant. Dans Matthieu 26, à partir du verset 6. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte ?» Les disciples trouvent que donner quelque chose de précieux à Jésus est un gaspillage. Jésus, s'étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard. » Et au verset 13, il dit « Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Les disciples du Seigneur prenaient le nom de Dieu en vain, parce que pour eux, donner le meilleur à Jésus est un gaspillage. Tous les parents qui s'irritent parce que leurs enfants sortis diplômés des grandes écoles du monde choisissent d'aller servir le Seigneur Jésus-Christ à plein temps, tous ces parents-là prennent le nom de Dieu en vain. Tous les chrétiens qui prient en d'autres noms que le nom de Jésus prennent le nom de Dieu en vain. Parce que Jésus dit dans Jean 14 au verset 14, « Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. » Et dans Jean 16 au verset 23, il dit, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Chers amis, au nom de qui priez-vous? Le sort éternel de votre vie pourrait dépendre de la réponse que vous donnerez à cette question que nous venons de vous poser. Tous ceux qui disent Amen, ou ainsi soit-il, en d'autres noms, autres que le nom Jésus, prennent le nom de Dieu en vain. C'est ce qu'elle nous dit 2 Corinthiens chapitre 2 au verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Il n'y a qu'au nom de Jésus-Christ que nous devons dire ainsi soit-il ou Amen. Sinon, nous prenons le nom de Dieu en vain. Quand tu es chrétien ou ministre de Dieu et que tu es marié sans acte de mariage, c'est-à-dire dans l'insoumission aux autorités établies, tu démontres aux yeux du monde que tu es une secte qui ne se soumet pas aux autorités établies par Dieu. Tu prends ainsi le nom de Dieu en vain. Tous les chrétiens qui rejettent la vérité biblique en disant que, même comme la Bible est vraie, ils préfèrent continuer à croire aux mensonges de leurs prêtres et de leurs pasteurs, tous ceux-là sont des captifs qui prennent le nom de Dieu en vain. Tous ceux qui méprisent la parole de Dieu, la Bible, et qui la mettent au même niveau que les autres paroles des hommes, des religions et du monde, prennent le nom de Dieu en vain, parce que la parole de Dieu est le nom de Dieu. Tous ceux qui invoquent le nom de Dieu sans s'humilier, sans prier, sans chercher sa face et sans se détourner de leur mauvaise voie, prennent le nom de Dieu en vain. D'après 2 Chroniques chapitre 7, à partir du verset 14 qui dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Tous ceux qui honorent Dieu seulement des lèvres, alors que leur cœur est éloigné de lui, prennent le nom de Dieu en vain. C'est ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 15, à partir du verset 8. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Et Éphésiens 4, 29 nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Si tel n'est pas votre cas, vous prenez le nom de Dieu en vain. Aujourd'hui, la majorité de ceux qui se disent des chrétiens sont reconnus par des abominations, des insanités et des obscénités qu'ils débitent de leur bouche. Dans Matthieu 15, à partir du verset 17, le Seigneur dit « Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent des mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, les grossièretés, les bêtises. Si tel est votre cas, vous prenez le nom de Dieu en vain. Et dans Matthieu 12, au verset 36, le Seigneur continue. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. À bon entendeur, repentez-vous. Tous ceux qui s'entêtent à enseigner alors qu'ils ne sont pas appelés à cela prennent le nom de Dieu en vain. Jacques 3 au verset 1 nous dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Si vous êtes irrésolu et inconstant dans vos paroles, vous prenez le nom de Dieu en vain. Parce que Matthieu 5 au verset 37 dit, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Et Jacques 5 au verset 12 dit, avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Si nos paroles ne sont pas assaisonnées de sel, nous prenons le nom de Dieu en vain. C'est ce que nous dit Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Tous ceux qui maudissent du cœur, alors qu'ils bénissent de la bouche, prennent le nom de Dieu en vain. Voici le profil d'un croyant qui ne prend pas le nom de Dieu en vain. Nous lisons le psaume 17 au verset 1. Il s'agit du psaume de David. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Alléluia. Tous ceux qui ouvrent leur bouche et laissent Dieu la remplir par ses propres paroles ne prennent pas le nom de Dieu en vain. C'est ce que nous dit le psaume 81 au verset 10. Tous ceux qui prient, louent et prophétisent en d'autres langues selon que le Saint-Esprit les conduit ne prennent pas le nom de Dieu en vain. Tous ceux qui demeurent dans la Bible, la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit pour pratiquer tout ce qui y est écrit, ne prennent pas le nom de Dieu en vain. C'est ce que Dieu avait dit à Josué dans Josué 1 au verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Laissons Dieu transformer notre bouche en la sienne et nous ne prendrons jamais plus son nom en vain. Proverbe 8 au verset 6 dit, écoutez car j'ai de grandes choses à dire et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Chers amis, aucun de nous ne peut cesser de prendre le nom de Dieu en vain s'il ne dompte pas sa langue. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ seul qui peut dompter notre langue. Ceci en nous donnant des cœurs nouveaux et en mettant son esprit et ses paroles dans notre cœur. Nous pouvons tout par lui qui nous fortifie, par son esprit qu'il met en nous quand nous croyons en lui. Il dit dans Jean 14 à partir du verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Un peu plus loin, il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. il n'y a que le Consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui peut rendre témoignage de Jésus à travers nous. Il n'y a que le Consolateur, l'Esprit de vérité, qui nous conduit dans toute la vérité. Car il ne parle pas de lui-même, mais il dit tout ce qu'il a entendu de Jésus. Et il nous annonce les choses à venir. Le Saint-Esprit glorifie le Seigneur Jésus-Christ à travers nous. Parce qu'il prend de ce qui est à Jésus et il nous l'annonce. En conclusion, nous prenons le nom de Dieu en vain. Et ceci pour notre éternité en enfer et dans les temps de feu et de soufre, si nous ne croyons pas et ne vivons pas le passage biblique suivant. Jean 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la religion, ni des cercles ésotériques, ni des coutumes traditionnelles anti-bibliques, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. C'est Jésus. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Chers amis qui m'écoutez, voulez-vous croire au nom de Jésus? Voulez-vous croire au nom de Dieu avec une ferme décision de ne jamais le prendre en vain? Tout est accompli. Parce que Dieu a tant aimé le monde et il a donné Jésus afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus n'est pas venu dans le monde pour nous juger. Mais il est venu pour nous sauver. Mort crucifié, Jésus est le sacrifice suffisant et acceptable de Dieu pour vous et pour moi, pour notre salut. Mort crucifié, Jésus-Christ a versé son sang précieux pour sauver nos âmes. Par ses meurtrissures, il nous a guéris de toutes nos infirmités et de nos maladies. Enterré, il a vaincu la mort le troisième jour en ressuscitant des morts pour notre justification. Il dit, si nous confessons de la bouche qu'il est Seigneur, et si nous croyons de tout notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il va nous sauver. Le voulez-vous? Que Jésus vous sauve et qu'il fasse de vous une nouvelle créature, afin que les choses anciennes soient passées et que toutes choses deviennent nouvelles, afin que tous les péchés et toutes les malédictions que vous avez accumulées depuis votre naissance, parce que vous preniez le nom de Dieu en vain, passe et que toutes choses deviennent nouvelles en bénédiction abondante. Baissez donc votre tête et priez avec moi. Dites ceci. Seigneur Jésus-Christ, je crois de tout mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Et je confesse de ma bouche que tu es Seigneur. En ce moment, je t'invite dans ma vie. Je reçois la vie éternelle que Dieu me donne. Je te reçois dans ma vie. Viens dans mon cœur. Et désormais, sois le seul sauveur et le seul Seigneur de ma vie. Remplis-moi par ton esprit, afin qu'à partir d'aujourd'hui, je ne pratique que les bonnes œuvres que tu as préparées à l'avance. Merci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse pour cette décision que vous venez de prendre. Il y a une grande joie au ciel pour votre engagement à donner votre vie à Jésus pour le suivre et pour le servir désormais en esprit et en vérité tous les jours de votre vie. Cherchez une église où la Bible, la parole de Dieu est la seule autorité. Soyez membre de cette église. Et n'oubliez pas de rencontrer votre pasteur pour lui faire part de votre nouvelle vie. Aimez Israël et les Juifs, et priez pour la paix et la non-partition de Jérusalem, la ville du grand roi. Que l'onction du Saint-Esprit brise le joug de l'ennemi dans votre vie. au nom de Jésus-Christ. Amen. Hear you say